Les Spice Girls sur RGM, 8h36, passé de quelques secondes, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 17 avril 1957. Naissance de Zinedine Soualem, acteur français vu dans Le Péril Jeune, La Haine, Didier, Les Randonneurs, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre dans le rôle de Feu d'Artifice, L'Auberge Espagnole, Les Poupées Russes et Casse-Tête Chinois dans le rôle de Monsieur Boubacar, Ah si j'étais riche, L'Incruste, La Maison du Bonheur dans le rôle de Mouloud Mami, Le Scaphandre et le Papillon, Bienvenue chez les Ch'ti dans le rôle de Momo, Coluche, L'histoire d'un mec, Rien à déclarer dans le rôle de Lucas, L'écume des jours, Chacun sa vie de Claude Lelouch dans le rôle de Zinedine, plus récemment dans Épouse-moi mon pote dans le rôle du père de Yacine, vu dans la série télé Chef dans le rôle de Karim ou encore dans 10%. 1959, naissance de Sean Bean, acteur britannique vu dans GoldenEye dans le rôle de Janus, dans Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau dans le rôle de Boromir, dans 3 dans le rôle du dans Benjamin Gates, Le Trésor des Templiers, dans Silent Hill, Percy Jackson, Le Voleur de Foudre et Percy Jackson, La Mère des Monstres, dans le rôle de Zeus, dans Seul sur Mars, dans le rôle de Mitch Anderson, et vu dans 9 épisodes de la série télé à succès Game of Thrones, dans le rôle d'Eddard Stark. Pardon, excusez-moi. 1967, naissance d'Henry Ian Cusick, acteur britannique et péruvien. Vu dans la saison 5 de 24 heures chrono dans le rôle de Theo Stoller, agent des services secrets allemands. Dans Lost, Les Disparus dans le rôle de Desmond Hume. Dans Scandale, Mentaliste, Hawaii 5-0 et depuis 2014, il est dans la série Les 100 dans le rôle de Marcus Kane. 1972, naissance de Jennifer Garner, actrice américaine. Vu dans Pearl Harbor dans le rôle de Sandra. Dans Arrête-moi si tu peux dans le rôle de Cheryl Ann dans Daredevil, dans le rôle d'Electra. Nat Kios, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans le film Electra, vu également dans Valentine's Day, dans le rôle de Julia Fitzpatrick, dans quelques épisodes de la série Felicity et vu dans la série Alias, dans le rôle de Sidney Bristow. 1974, naissance de Victoria Beckham, chanteuse, styliste, designer et femme d'affaires britannique qui a fait partie du girls band Les Spice Girls. 1976, naissance de Mai Wen, actrice, scénariste, réalisatrice française, vue dans L'été meurtrier, Léon, Le cinquième élément, Pardonnez-moi dans le rôle de Violette, Le bal des actrices dans le rôle de Mai Wen, dans Police dans le rôle de Mélissa, réalisatrice et scénariste du film Pardonnez-moi, où elle est également productrice, Le bal des actrices, Police, qui a été récompensée au Festival de Cannes 2011 par le prix du jury. 1985, naissance de Rooney Mara, actrice américaine, vue dans Freddy, Les griffes de la nuit, dans le rôle de Nancy Holbrook. Rock, dans The Social Network, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, dans le rôle de Lisbeth Salander, dans le film Carole, dans le rôle de Thérèse Bellivette, qui a été récompensée au Festival de Cannes 2015 par le prix d'interprétation féminine, et vu plus récemment dans le film Lion, dans le rôle de Lucie. C'est également l'année de naissance de Joe Wilfried Tsonga, joueur de tennis français professionnel depuis 2004. Meilleur classement à l'ATP, c'est la 5e place obtenue en 2012. Il a été une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros et Wimbledon et quart de finaliste à l'US Open. A noter qu'il compte une médaille d'argent olympique obtenue en double en 2012 à Londres. Il a remporté la Coupe Davis avec ses coéquipiers en 2017 et une Hopman Cup en 2014. 1986, naissance de Romain Grosjean, pilote automobile français de Formule 1, qui a disputé 125 courses et 10 podiums. En 1790, décédé Benjamin Franklin, écrivain, philosophe, physicien, inventeur et diplomate américain qui a participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, dont il est un des signataires, ce qui fait de lui l'un des pères fondateurs des États-Unis. 1960, décédé Eddie Cochran, musicien, chanteur de rock américain. 1986, décédé Marcel Dassault, ingénieur, entrepreneur et construction d'avions français, connu en tant que fondateur et PDG du groupe Dassault. Et en 2003, décédé Earl King, auteur, compositeur, guitariste américain de blues, rock and roll et rhythm and blues. Et tout de suite, on va écouter Eddie Cochran avec son titre Summertime Blues. I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now, you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Eddie Cochran sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h42 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera une très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin. Elles seront comprises entre 20 et 21 degrés cet après-midi. Pour mercredi, du soleil, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés l'après-midi. Pour jeudi, du soleil, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés prévues pour jeudi après-midi. On ne se lasse pas d'annoncer du soleil. Allez, c'est tout pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En basket, en NBA, cette nuit, l'équipe de Philadelphie s'est inclinée 103 à 113 face à Miami. Les deux équipes sont donc à égalité dans cette série de playoffs, un partout. Et il y a quelques instants, enfin peut-être même un peu plus, hein, on va dire une bonne heure, les Spurs de San Antonio se sont inclinés face aux Golden State Warriors 116 à 101. Deux petits points pour Tony Parker. Golden State mène donc cette série 2 à 0. Cette nuit, l'équipe de Washington disputera son deuxième match face à Toronto et l'équipe de Boston disputera elle aussi son deuxième match contre Milwaukee. Un mot de tennis avec le tournoi de Monte-Carlo et la qualification d'Herbert en 2-7 face à Lorenzi, 7-6 et 6-4. En revanche, élimination de Julien Beneteau en 2-7 face à Coric, 6-2, 6-3. Celui qui revient en forme apparemment, c'est Novak Djokovic qui a fait qu'une bouchée de Lajovic. Djokovic s'est imposé en 2-7, 6-0, 6-1. A noter la qualification en 2-7 de Ramos Vinolas face à Donaldson, 6-3, 6-3. Qualification en 2-7 de Bautista Agut face à Gojovzik, 6-4, 6-3. Raonic s'est qualifié en 3-7 face à Katarina, 3-6, 6-2, 6-3. Et Nishikori s'est imposé en 3-7 face à Thomas Berdych, tête de série numéro 12. Donc il s'est imposé 4-6, 6-2, 6-1. Au programme d'aujourd'hui, alors on va avoir des Français sur les cours et notamment des duels franco-français entre Gilles Simon et Adrien Manarino, entre Jérémy Chardy et Richard Gasquet. Benoît Paire, lui, sera opposé à Lopez. Herbert sera opposé à Dimitrov. Et Lucas Pouille à Misha Zverev. Un Zverev peut en cacher un autre. Alexander Zverev, lui, sera opposé à Müller. Goffin affrontera Tsitsipas. Fonini sera opposé à Ivashka et Tim à Rublev. Un mot de football avec la première demi-finale de la Coupe de France ce soir entre deux clubs de National, les Herbiers, opposés à Chambly. Et on termine avec du hockey sur glace en NHL. Cette nuit, ce sera le match numéro 4 entre Los Angeles et Las Vegas. L'équipe de Pierre-Édouard Belmar, je vous rappelle que Las Vegas mène cette série 3 à 0. Donc il se pourrait bien que cette nuit, ce soit déjà le dernier match de cette série de play-off entre Los Angeles et Las Vegas. Et on va parler de Laurent Meunier, qui avait donc mis un terme à sa carrière internationale après les Mondiaux de Paris l'année dernière. Et bien, on a appris hier qu'il intégrait le staff de l'équipe de France en tant qu'assistant de Dave Anderson et de Pierre Pousse.